par vos auteurs. Écoute, bonjour, Monsieur Sautard, la station KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM à Saint-Paul. Radio Sans Frontières. Bonsoir, Carol. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. And the radio station, the show you're listening to is Bonjour Minnesota. But this is happening in the evening. We should call it Bonsoir, right, Carol? Oui, mais on a gardé Bonjour parce que au début, au commencement, la station, le programme était... Pendant la journée. Pendant la journée, hein? Oui, c'est ça. C'était le matin? Je ne suis pas très sûre. C'était au début, je ne m'en rappelle pas. Pendant une époque, il y avait Georgette Franco et aussi Louise Dillery était avec elle. Mais pour commencer, il y avait comment s'appelle-t-il? Steve LeBeau? Voilà, Steve, qui était le premier à faire l'anglais. Ah, bien. Bon, il pleut dehors. Il fait pas beau. De plus en plus fort. Et c'est gris. Ouais. Quelle tristesse. Alors, je voudrais commencer la soirée. I'd like to start the evening with a song called Il Automne de Barbara. Here we go. Pas furtif, il automne pas feutré, il automne pas craquant sous un ciel pourpré doré. Sur les jardins dénudés se reflète en transparence des brumes d'automne rouillées. Senteur de poivre mêlé et sur nos nuits de binovembre, il automne de miraculeux, il automne de miraculeux, il automne, il automne. Des sanglots longs sous un ciel gris délavé et de la gare au cimetière où ils reviennent chaque année de banc de bois en banc de pierre et jusqu'à la dernière allée on les voit d'escale en escale qui n'en peuvent plus d'être vieux sur ce chemin de leur calvaire qu'ils refont depuis tant d'années. Il automne des pommes rouges sur les cahiers d'écoliers. Il automne des châtaignes aux planches de leur tablier. Regarde un peu les mésanges en haut du grand marronnier. Il y a des rouges gorges au jardin des patignolles. Et les enfants de novembre croient que sont venus du ciel ces petits oiseaux de plume échappés d'un arc-en-ciel. Et les enfants de novembre ramènent émerveillés un peu de l'automne rousse au fond de leur tablier. Paradis lontane, chi lontane, chi lontane a pas furtif, a pas feutré, a pas craquant, et sur nos nuits de mi-novembre. Mon amour. Bien joli, Jane. Ah, j'aime bien Barbara. Oui, Barbara. Il faut dire qu'elle n'avait pas une belle voix, mais c'est très touchante. Mm-hmm. Et les Français l'adoraient pendant son vivant. C'est toujours touchante. Et je crois qu'elle a écrit toutes ses chansons. Mm-hmm. She took her name from her grandmother, Varvara Brodsky, a Russian grandmother. Ah, bon. Uh-huh. And her song Aigle Noir sold 24,000 in 12 hours. We'll try to find that song. Have you ever heard the song? L'Aigle Noir? Incredible. Born in Paris to a Jewish family, Barbara was 10 years old when she had to go into hiding during the German occupation of World War II. Oh, I didn't know all that. Right. And after the war ended, a neighborhood professor of music heard her song and helped her develop her talent. So she went to École Supérieure de la Musique and performed in cabarets in Paris and went on to become a great success. But she died in 1997 in the month of November. So, in any case, we have... Usually they're sad songs in autumn. This one was... kind of mixed. It was strange. It was a song of a bird getting caught up in a rainbow. It's part of the lyrics. So anyway, Il Automne de Barbara. What do we have up next? Bien, on a Céline Dion, une Québécoise que tout le monde connaît. Elle va vous chanter une chanson produite par Jean-Jacques Goldman, qui l'a présenté au public français. Alors, la chanson, c'est Je crois toi. Et ça va être suivi par Céline Dion. Tous les blues sont écrits pour toi. Petit tour de là, je crains le silence après les voix, ce froid si froid. Je crains les rues, le jour et les gens, et la solitude au temps. Je prie qu'on souvent de moi, mais de toi. je sursaute en ne croisant qu'un miroir. N'aurais-je peur que de moi? Je crains les saints, le mal et le bien. Je crains le monde et ses lois. Quand tout m'angoisse, quand tout s'éteint, j'entends ta voix, je te crois. Toi, je te crois.

Then Barbara, and we did not announce this one before, sang one of her hits, which was called L'Aigle Noir, The Black Eagle. How many copies? It sold 24,000 in 12 hours? Was that it? Unbelievable number. Huge 24,000 in 12 hours, yes. And I'm sure this is something that she wrote, too. Mm. It was, you could feel the mounting pressure going up, up, up on the scale. Her voice is so haunting. Yes, it is. And if you read about her life and childhood, oh, there's just so much abuse and abandonment. It's just really adds to the rich character. The voice she had when she was a little older was higher. Oh, yeah? This, don't you think this was sounded much lower? Lower and... I agree. Contralto almost. I want to thank all of our listeners who called in to let us know that Carol's mic wasn't working, and that was user error. My user error. So we got that ironed out. We'll be right back after these announcements. KFAI is supported in part by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated in South Minneapolis, Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the Southside and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and Cedar Riverside neighborhoods. Information is available at southsidepride.com. Ben, on va continuer avec Avril. Qui c'est Avril? Elle était du studio, elle... Un ami l'a contactée quand elle était ici. Elle habite en Normandie, en France. Ah. Et elle joue de la harpe. Alors, d'habitude, quand on pense à la harpe, on pense bien à la harpe irlandaise ou l'harpe classique. Mais non, pas celle ça. Elle aime les blues et elle va vous chanter les blues de la ménagère, suivie par la fille au bout du bar. On y va. C'est l'heure du blues, de la ménagère, parce que les ménagères aussi, elles ont le blues. Tous les jours, le ménage, le repassage, la cuisine, le rangement, et parfois même torcher les enfants. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, faut recommencer. Alors moi je mets la blouse pour balayer. Moi je mets la blouse pour épouster. Moi je mets les blues, je mets les blues. Oh, oh, oh, oh, moi je mets la blues, je mets la blues. La blues. Moi je mets les blues, la fleurette bleue. Celle qui s'accorde à mes yeux. Moi je mets les blues pour les grands soirs. Celles qui ont des paillettes et du noir. Moi j'aime les blues. Les blues. Vinaigre blanc, savon noir. Lingette et petits mouchoirs. Et Willy, ce fameux monsieur propre que j'attends toujours, il est sorti faire un tour. Monsieur propre, parfois je rêve. Réfonds en travaillant, ce sera moins fatiguant. Chantons en travaillant, ce sera surtout moins chiant. Tout, tout, tout. Ouais, il en faut du courage pour le ménage. Du courage pour nous les femmes. Du courage. Du courage pour nous les femmes. La fille du bout du bar, ce serait peut-être elle ce soir. La belle du bout du bar, celle qu'on aborde un peu pour voir. L'habituée du comptoir qui babille sans y croire et se perd dans les bulles des verres de bière qui s'accumulent. La fille du bout du bar, la fille du bout du bas. Berlin, Brest ou nulle part, est-ce bien toujours la même? Cette fille fardée de noir qui des beaux mal la valse mène. Celle-ci te boit du regard, c'est déjà un bon début. Peut-on encore y croire? Ça sent un peu le déjà vu. Même si c'était elle ce soir, celle qui redonne espoir, la fille du bout du monde, celle pour qui le tonnerre gronde. Devenir un bateau ivre sur lequel tu rêves d'embarquer celle qui vient de t'aborder. Les verres dansent et se balancent, les mots s'en mêlent et se mélangent. Le temps s'étire en cet instant aussi merveilleux qu'un tricot. Approche un peu pour voir. La fille du bout du bas, je serai peut-être elle ce soir. La belle du bout du bas, celle qu'on aborde un peu pour voir. That was amazing. I have never heard that before. I've never heard Blues and Harp by Avril, which is April. And with, the album with two is, L's at the end. Oh, yes. Soleil Bleu, so Blue Sun album, on which she also has, you said the song La Délicieuse is a beautiful song about her daughter. Mm-hmm. And I see that they have a rendition of Boom Boom by Boom Boom Boom Boom, John Lee Hooker. That's a good one, too. Oh, yeah, it just wants me to, I love that. I think that's my new favorite thing. Well, she's in Normandy, France, and if her, she has friends here, and if her friend is listening, tell her we'd love to see her again. You had her as a guest she before. She was a guest and played right here in the studio. Oh, fantastic. Wow, what a treat. What do we have next? Eh bien, on a Daniel Aurore. C'est du nouvel album appelé Vintage France par Putumayo, et la chanson s'appelle Les Baleines Bleues. Et c'est suivi par Francesca Blanchard, Sous le ciel de Paris, du même album, Putumayo Vintage France. n'a pas vu de méchants dans les fonds de tiroirs. On n'a pas vu dans les champs ce que l'on devait voir. On n'a même pas vu les dieux s'arrêter un peu dans le fond des yeux des baleines bleues. On n'a pas vu le soleil dans le fond des ruisseaux. On n'a pas vu de merveilles dans nos paquets cadeaux. On n'a même pas vu les cieux s'arrêter un peu dans le fond des yeux des baleines bleues. Mais on a vu du ciment sur le bord des fossés. On a même vu des enfants se remettre à pleurer. Et tous ces jours où il pleut, on replonge un peu dans le fond des yeux des baleines bleues. Dans le fond des yeux des baleines bleues. Pip tout va tout fauda, folie. Dans le lit des rivières, on n'a pas vu de vivant à six pieds sous la terre. On n'a même pas vu les dieux s'arrêter un peu dans le fond des yeux des baleines bleues. On n'a rien vu et pourtant il suffirait d'y croire. De rêver juste un instant, c'est pas la mer à boire. Et l'on pourrait voir les cieux s'arrêter un peu dans le fond des yeux des baleines bleues. On oublierait le ciment sur le bord des fossés. On ne verrait plus d'enfants se remettre à pleurer. Et tous les jours où il pleut, replonger un peu dans le fond des yeux des baleines bleues. Dans le fond des yeux des baleines bleues. Dans le fond des yeux des baleines bleues. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour deux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis les gens. Ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité près de Notre-Dame. Parfois couvre un drame, oui, mais à Paname tout peut s'arranger. Fleuve joyeux, ouh, ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit de son habit bleu, et quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est Support for KFAI comes from The Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin or at efetus.com. All right, we just heard, which was just beautiful, the Francesca Blanchard, her recorded version of Sous le ciel de Paris, Under the Paris Skies. And this was made specifically for the Putumayo collection, even though it was released in 1951, 40 years before she was even born. She's only 24 years old. She put her own special love into that song. It sounded as if her voice was being layered. I think so. They'd have her voice singing two different versions. If we were on television, you'd see that it was a sing-along in the studio. Before that, we had Daniel Rohr with Ballon Bleu. It was co-written by Daniel Rohr, Jacques Rohr, and Christophe Marie, and first released in 2001 on Rohr's album Le Temps d'un Jazz. It's a dreamlike song with the lyrics about the hope that can be found by observing the beauty of nature and specifically by peering into the eyes of the blue whales. Rohr has ample opportunities to try this out for himself as he now works as a ship's doctor and performs in many countries he visits on his journeys. Hmm. So interesting. Les Ballons Bleus. You know, one of the greatest oceanography places is in Monaco, started by Jacques Cousteau. Many Americans remember the program that was on TV, Jacques Cousteau. Oh, yeah. It was a wonderful one, but he was also one of the important people at the Oceanography Center in Monaco. Wow. Jacques Cousteau. Have you been there? I didn't go in. I went by it. Oh. Yeah, I've always wanted to go. I don't know. Let's take a petit détour. What do we have next? Ben, ce qu'on a là ensuite. Mm-hmm. Bon, on va écoutez quelque chose qui nous vient de RFI, Radio France Internationale. C'est une chanson par Alain Chamfort et ça s'appelle Ensemble. Ça va être suivi par Zaza Fournier et Garçon. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nom bizarre, n'est-ce pas? Il y a Zaza, Zazie. Alors, Alain Chamfort avec Ensemble, on y va. Jour après jour, nous vivons ensemble, unis.

Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. AMPERS.org has hundreds of music, arts, and cultural stories, including many produced here at KFAI. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. All right, what we just heard was Alan Chamfort with Ensemble, followed by Garçon by Zaza Fournier, and she was born in 1985, and she's just a rising pop French sensation. I love that song, Garçon. Tricky. What a beat. What an incredible dancey number. What do we have next? Eh bien, maintenant, on a Debout sur le Zinc. C'est une chanson qui nous vient aussi par RFI, Radio France Internationale. La Relève. Et ça va être suivi par David Lafour. David Lafour. Je te garde. Entre les dents, dans l'élan, sur le temps qui court innocent. Dans l'élan, jaillit de l'amour insolent. Ils s'attirent les uns les autres comme des aimants. Mais gare à celui qui faute s'il est un homme différent. Dans l'élan, sur le temps qui court innocent. Dans l'élan, jaillit de l'amour insolent. Ils n'ont que faire de la vie qui leur apprend qu'on n'est jamais trop petit pour être conquérant. Dans l'élan, sur le temps qui court innocent. Dans l'élan, jaillit de l'amour insolent. Je te garde. tu es parti, mais je te garde encore. Sous mes paupières closes, tout est rose. Même s'il y a un truc qui pique et qui pique et qui pique encore. Je t'entends chanter, je te vois danser au rythme de mes larmes après larmes, jour après jour, gris de cendre. Larmes après larmes, jour après jour, gris de cendre. Je te garde. Tu es parti, mais je te garde encore. Je suis dans tes cheveux, tout est bleu. Même s'il y a un truc qui pique. je ne sais rien de vous. Je ferais mieux, je crois, de m'en aller sans rien dire. Qu'attendez-vous de moi? Qu'attendez-vous de moi? Que puis-je vous offrir? Alors, c'est l'heure. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota à la station KFAI 90.3 à Minneapolis et 106.7 FM à Saint-Paul. Radio sans frontières. You're listening to Fresh Air Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. And the radio show you're listening to is Bonjour Minnesota. And we just would like to introduce our guests who have just arrived this evening. We have Franco-American Chamber of Commerce President Louis Lewendling and Executive Director Odile Edouard Young. Merci d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, pouvez-vous nous expliquer vos rôles dans l'organisation? Et qu'est-ce que c'est l'organisation d'abord? Peut-être nos auditeurs ne savent pas grand-chose. En fait, nous faisons partie d'un organisme mondial, les chambres de commerce et d'industrie françaises. Il y a 120 chapitres dans le monde entier, dont 20 aux États-Unis. Et Odile est la directrice exécutive du chapitre local. Et moi, je suis le président de notre chapitre. Bon. Et qu'est-ce que cette organisation fait comme initiative? Pourquoi ça existe? Quels sont vos buts? Le but de la Chambre franco-américaine de commerce, c'est de faciliter le commerce entre la France et le Minnesota, en l'occurrence. Les imports, les importations, les exportations, l'aide au marketing, faciliter les ressources bancaires. Pour nous aussi, nous offrons une opportunité de rencontre et de networking, pour utiliser un terme bien américain, pour nos membres. Ça se dit en français, non? Oui, on dit également réseautage. Réseautage, ouais. Ah oui, ça c'est bien. Oui. Et comme dans toute relation d'affaires, le réseautage est en général indispensable et favorise bien sûr les échanges commerciaux et les relations d'affaires à long terme également. Alors, qui sont les membres américains qui appartiennent à cette organisation, qui s'intéressent à avoir contact avec des compagnies en France pour savoir faire les achats et les ventes? Il y a des membres individuels et il y a des membres des compagnies qui font partie de la Chambre. Il y a des très grandes compagnies comme Air France, par exemple. Ils ne font pas partie de la chambre locale, mais la chambre de New York, Chanel, Bouygues, France Télécom, beaucoup de maisons de couture et de maisons de enfin, haute couture, par exemple, des produits de luxe. Et nous avons beaucoup de membres individuels également, surtout des membres individuels, je dirais. Nous sommes une bonne centaine ici. Alors, il y a des compagnies américaines qui s'intéressent à avoir des contacts avec la France et faire des ventes. Oui. Par exemple, qui ici, il y a pas mal. Hein, il y a oui, il y a beaucoup de compagnies, comme 3M, par exemple. 3M. Cargill, oui. Carlson Travel. Ah oui. Oui, Delta. Delta. Les entreprises de transport et de logistique sont... Et pour tout ce qu'il y a de la production des devis, ou quoi, est-ce qu'on dit ça, des instruments comme... Médicaux. Médicaux, oui. Voilà. Oui. Je pensais à Saint-Jude. Oui. Bien sûr. Il y a les autres, pareil, il y en a plusieurs. Oui, oui. Il y a plusieurs. Nous avons d'abord d'ailleurs des rapports très étroits avec la Medical Alley ici au Minnesota. Medical Alley. Ouais, ouais. L'allée médicale. Est-ce que c'est lucratif pour le système français comme c'est un système social et comme les produits sont pas. Comme c'est payé pour le gouvernement et il y a le même marché pour des produits, je veux dire, comme c'est remboursé par le gouvernement quand on va dans les hôpitaux, et est-ce qu'ils sont intéressés par nos produits ou est-ce les marges de profit sont moins intéressantes en France qu'ici. Néanmoins, la France est quand même un pays à la pointe des technologies médicales. Oui. C'est vraiment surtout les technologies et la coopération au niveau des technologies médicales est très intéressante. D'accord. Mm-hmm. Oui. Oui. Donc, chaque jour, vous envoyez des lettres de demande à des compagnies ou quoi, vous attendez qu'ils vous contactent ou... Un peu les deux. On est toujours à l'attente, bien sûr, de, ah oui, c'est ça. De nouveaux prospects. Mais il nous appartient également de faire des efforts de prospection. Mm. Nous faisons nous avons des open houses, des événements de bienvenue. Nous organisons des galas, des rencontres de toutes sortes, dans l'espoir d'attirer des nouveaux membres. Mm. Perhaps a little bit in English for our non-French. We do have people that don't speak French. So, could you tell us about your, first of all, not just the event coming up, I know you have a wine dinner, but how was it that you wound up in Minnesota? Where is your origin from, either of you? I was born and raised in France and went to school in France. Where? I was born and raised in Paris. Mm-hmm. But I first came here a long time ago with the interpreter school in Paris, requiring that we spend at least 6 months in each country we learn the language from. In my days, you had to choose between British English and American English that were very different and separate degrees, diplomas. Mm-hmm. I chose American English thinking that there were going to be more business opportunities maybe, and ended up coming here to go to college. Later earned a scholarship that kept me a little longer here in Minnesota. Mm-hmm. But mostly... Mm-hmm. Mostly for college, until I moved on to other countries to fulfill my requirements. Oh. Yep. Mm-hmm. And you? I was born and raised in France as well, a different region than Odile. I come from Alsace, which is nestled right on the border with Germany and Switzerland, and Luxembourg and Belgium are not very far either. So I grew up in a very international area. The European Parliament is in Strasbourg, where I studied. I studied business. I have an MBA. And part of my curriculum was to work as an intern, as a trainee, outside the borders of France. I had a number of offers in Europe. And then I decided to send some resumes stateside. I sent out 100 resumes, and I got one yes, and that was right here in Minneapolis. That was Dayton Hudson Corporation, which is now the Target Corporation. And it was a wonderful experience. They had a great retail management program. I liked them, and they must have liked me because they made me a permanent offer. So after I got my degree, I came back here and had a brief, a stint in retail management. And then I made the one and only career change I ever made, became a financial planner. And now I own my own business jointly with my wife. So in a nutshell, that's been my life here. Since you are from Alsace, do you speak German also? And that comes with the territory. Yeah. And other languages? That yes, Spanish and little Italian and some notions of Dutch and Russian. So it's all a matter of degrees, you know. And you must have, as an interpreter, Odile, you have more than English and French? Yes, however, after I completed my studies in Germany and then moved on to the interpreter school, not in Paris, but by then in Brussels, I realized in my senior year at the interpreter school that I maybe was not meant to be a voice in a little glass box on top of a conference hall. And after my family had, you know, finance college studies, which we know is a challenge, I did dare tell my mother that I was not sure I wanted to be an interpreter anymore. Oh, and that's when I moved on for international business. It took me another couple years because fortunately credits transferred, and to move on with a degree in international business development, which led me to Alsace, where I helped Minnesota companies set foot in Europe. Oh. And in researching strategic location for European networks, Alsace happened to be a very good compromise between a German work ethic, French creativity, close enough to Switzerland, and centrally located for developing distribution networks in Europe. I didn't know where Louis was from, but when he found out about me, he sure knew where I was from in Alsace, because, small world. I think he knows perfectly well where I was in Alsace, and great region to do business in Europe. Fantastic. Yeah, that was a fortuitous encounter. that we knew each other's areas of origin very well, and there's mutual appreciation, which I think facilitates our joint work. I know that you have an important event coming up for the Chamber of Commerce. Could you tell us about it? Absolutely. November 18th is the French-American Chamber of Commerce Fête du Vin, Beaujolais Nouveau and More, which is also known as the annual gala and main fundraiser event for the Chamber of Commerce. I am new with the Chamber of Commerce and joined the Chamber here in the Twin Cities last September but Louis has a lot of experience with organizing this event and really successfully organizing the gala of 2015. And I think he has some interesting input. Yeah, it's kind of the highlight of the year. It used to be called La Fête du Beaujolais Nouveau. For those who don't know, there's an area in Burgundy called Beaujolais, and celebrating the arrival of the new wine in that region is a big deal, and it became a huge marketing coup for the French, and there's not many of those. The French usually, they try to do the best they can, and they hope the stuff sells. But they really did a good job in promoting the Beaujolais Nouveau worldwide, actually. And so the FACC, the French-American Chamber of Commerce, picked up on that and has had a Beaujolais Nouveau event for many, many years. It kind of morphed into what we call the Fête du Vin, because we do serve a whole lot more than Beaujolais Nouveau. There's so many wonderful wines elsewhere. Yeah, we've had some illustrious speakers. Last year we had Hubert Joly, the CEO of Best Buy. And this year is going to be... Mark Ritchie. Yeah, Mark Ritchie is going to be our speaker this year, the former Minnesota Secretary of State. He will talk to us about a very exciting project, namely bringing the World Expo to Minnesota in the year 2023. Oh my. Fantastic for Trey. After the Ryder Cup and the Super Bowl, there's some more exciting things ahead for our local community. So to all the listeners out there who hear this, you're kindly invited to join us on November 18th. It's a Friday night, 6 o'clock, on top of the IDS Tower, Windows on Minnesota. And is there a website people can visit? Yes. And the website is? Absolutely. The website of the French American Chamber of Commerce, www.faccmn.com. Okay, wonderful. Also, I wanted to ask you, Odile, about your tourism. You do some guided tours in Normandy? My heart is, you know, I say I'm born and raised in Paris, but I must say that not only does, you know, my heart go to Alsace, but it goes out west as well to Normandy, where all of you listeners, you know, who are Americans, have a little bit of history somewhere in Normandy. So, yes, I grew up with my parents having a home on Omaha Beach. Oh, really? And I do favor exchanges with young people from Minnesota and Normandy. I did organize a trip for 25 teenagers last July to visit Normandy, to be immersed, you know, in French language, French culture, but also learn about their history. Maybe at this age, they can't remember who their grandpa or great-grandpa, you know, or what their grandpa or great-grandpa may have been involved with in those days. But I think it's very important that this history not be forgotten. And I encourage exchanges between Normandy and Minnesota. We returned the exchange with a venue of 20, a group of 20 visitors from Bayeux, Normandy. Oh, the tapestry. Yes, here for the past 10 days. A very involved venue in the midst of preparing for the gala. But Louis was very supportive of, you know, compromising to be able to be on two fronts at the same time. And my pride is in thinking that aside from language immersion, we actually help young people become global citizens by, you know, networking is what we do with the chamber, but starting as a young age, understanding what it is to create relationships and start networking. Because I think networking is the key to a lot of successful venture, regardless of what you choose to do or to become in life. Yeah. In the past, we had a young woman, a high school student, who visited Normandy. She had been awarded a scholarship. There's an organization, and for this, she chose a veteran that was died in the Omaha landing. And she researched him and went to Normandy. She was allowed to examine the from-the-field documents in the museums of Washington, D.C., and I think it was a life-changing experience for her, as it would be. Absolutely. I believe it. Do you take your tours to the American Cemetery? Yes. It is so touching. Yeah. It is because lovely. For growing up, every summer, we would walk from my parents' home to the American Cemetery just for a walk. And once you get there, you're on American soil. And it is very moving. It is not only very beautiful, but it is very moving. So our group last summer, of course, had a guided tour of the American Cemetery. It was a very moving experience for these young teenagers. And they actually, as part of the tour, they were given some letters that spouses had sent to the soldiers. And totally out of the blue, one of them received a letter from Jack Schenck's wife to Jack Schenck. And my student's name is Jack Schenck. So he actually could not read the letter and handed it over to someone next to him. But yes, it was a very moving experience. And it's very interesting because I think in the curriculum here, students learn about European history in 11th grade. And I think they learn also about Guillaume the Conqueror and all this. So it really puts a lot of pieces together and bring history to life. But mostly it's in my mind something not to be forgotten. So all right, we'll have just an announcement. We'll be right back. Hey, Minnesota, are you ready to vote this election year? Visit mnvotes.org to register to vote or to update your registration. 2 minutes, click, and you're done. Or learn how you can vote early in person or by mail and save time on election day. You can also find where to vote, view your ballot, and more. Get all your voting information at mnvotes.org. A message from the Office of the Minnesota Secretary of State. Okay. Well, back to the Fête de Vin. So how is that going to work? Is there people that go to the wine festival? Will tickets to be purchased or? Yes. Tickets can be bought online. Okay. Tell us that address again, please, Louis, for the www. FACCMN.com. Yeah. The FACCMN is in one word, .com. That's our website. But we're also on Facebook and we're on LinkedIn. And Odile is going to give our listeners the phone number for the chamber. You can also feel free to call at any time the French American Chamber of Commerce at 612-208-7612 or send an email to info@faccmn.com. All right. So we think there's many ways to read for us. That sounds like great fun. And if someone out there is interested in trading with France, mm-hmm. would that they use the same information or? They would. Absolutely. I imagine there's quite a difficulty passing trade regulations and taxes. There's some. However, things are getting more and more harmonized. And I think there's more and more help on both sides of the Good. Atlantic to conduct business. Mm-hmm. There is a transatlantic investment and trade partnership in the works right now. If that passes, things will be easier yet to do business between those two countries. Wonderful. Yeah. We thank you for joining us tonight, and we hope that our listeners will, some of you will attend the gala, mm-hmm. and we'd love to have you back again to discuss the goings-on. So, merci d'être venu. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup vous. Pour l'invitation. Et vraiment, je suis enchantée de faire votre connaissance et de vous revoir encore, lui. Oui, on s'est vu merci. Il y a bien longtemps. Fois, ça m'a oui, fait plaisir de... Je sais pas, peut-être à l'Alliance quelque part. Oui. Oui, il y a bien longtemps. Merci pour tout. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Tant de travail et de bruit qu'il faudra veiller. Sans contour, une machine à rebrancher à la ligne des hommes. Thank you. Sans sommeil, nous garde mouquette fière et calme, fière et calme, nos cœurs. Là où nous sommes là, il n'y a pas de danger. Ne piquez pas, l'eau étroite, les bêtes. IP House is proud to provide internet streaming of KFAI Community Radio. The internet professionals at IP House provide answers to your hosting and access questions. More information from these friendly geeks is available at iphouse.com. Gaston Miron, La marche à l'amour. Tu as les yeux pères des champs de rosée. Tu as des yeux d'aventure et d'années-lumière. La douceur du fond des brises au mois de mai, dans les accompagnements de ma vie en friche. Avec cette chaleur d'oiseau à ton corps craintif. Moi, qui suis charpente et beaucoup de fardoche, moi je fonce à vive allure, et entêté d'avenir, la tête en bas, comme un bison dans son destin. La blancheur des nénuphars s'élève jusqu'à ton cou pour la conjuration de mes manitous maléfiques. Moi qui ai des yeux où ciel et mer s'influencent pour la réverbération de ta mort lointaine. Avec cette tache errante de chevreuil que tu as, tu viendras tout ensoleillé d'existence. La bouche envahie par la fraîcheur des herbes, le corps mûri par les jardins oubliés, où tes seins sont devenus des envoûtements. Tu te lèves. Tu es l'aube dans mes bras, où tu changes comme les saisons. Je te prendrai marcheur d'un pays d'haleine, à bout de misère et à bout de démesure. Je veux te faire aimer la vie, notre vie. T'aimer fou. de racines à feuilles et graves, de jour en jour, à travers nuits aiguës, de mois longs, nos vertus silencieuses. Je finirai bien par te rencontrer quelque part, bon Dieu. Et contre tout ce qui me rend absent et douloureux, par le mince regard qui me reste au fond du froid, j'affirme en mon amour que tu existes. Je corrige notre vie. Nous n'irons plus mourir de langueur à des milles de distance dans nos rêves bourrasques. Des filets de sang dans la soif craquelée de nos lèvres, les épaules baignées de vols de mouettes. Non, j'irai te chercher, nous vivrons sur la terre. La détresse n'est pas incurable, qui fait de moi une épave de dérision, un ballon d'indécence. Oh, la coupe, ça, c'était un peu trop triste, hein, Dana? Yeah, I've been very depressed lately, and I didn't need 10 minutes of that right now. It was Gustave Miron with, was the title, by Babex, B-A-B-X. Ah oui, Babex, oui. Mm-hmm. Before that, we had Antoine Saller with Marguerite. Ooh, yes. And before that, Grande Cerf, Aurélien Merle, singing. Drôle de nom. Mm. What was la that? La Merle, c'est un oiseau. The Grande Cerf is? Non, le Grande Cerf, the big stag. Mm. Oh, uh-huh. Yeah, a big stag, like but a big deer. Name, Merle, right. Is, I think, blackbird. Mm. So, and did we play any others? We were seeing our guests out, so it was such a we pleasure. We got a long, long string of music there. Yeah, the conversations that take place off the air about exciting development of German-Franco industrial relations after World War II and all kinds of things. Oh yes, and just and now they're having this wonderful Fête du Vin wine festival coming up. Great opportunity to réseautage. Réseautage. Yes. Well, there's so many American or other English words sneaking into French. Mm-hmm. It's nice to. Réseau is a network. Mm-hmm. So, réseautage. Networking is the new one instead of using the English word. Like the ministre de la culture française, the minister of culture guarding the language. They didn't want the word Sony Walkman. I remember they wanted people to say baladeur. Le baladeur, oh, really? Remember? Le baladeur, the walker. Stroller. I have my, where's my baladeur? Not my Sony Walkman, once upon a time. All right, wow. Do we have some annonces de l'Alliance Française? We do. Let's see what's coming up. Right away, you should remember this was November... November 18th on Friday is their big festival of wines. What a night out that would be. And they're having a big name speaker there. Mark Ritchie. He was a guest here on Bonjour Minnesota. Oh, really? At one time, yes. Very, very interesting man. Very talented and a good speaker. I know that I've been to the space before, the IDS Tower, when they have those great dinners. I think I've been to the Beaujolais Nouveau dinner, but probably 20 years ago. It was fantastic. Happy. I'm happy they changed it to more than Beaujolais, because there are so many wonderful wines from France. You shouldn't simply... That's kind of the junk. The worst thing is sort of celebrating. I was going to say that, but I didn't want to speak against it. Here's some things of what's going on. We thank our guests, Odile Edouard Young and Louis Wendling, for appearing on behalf of the upcoming festival and to let us know a little bit more about the French American Chamber of Commerce. Mm-hmm. They have many events. Let's see here. A few announcements coming up. I imagine classes are still taking place. Uh-huh. There are. Well, and we probably have... Oh, there's an announcement from the Heritage Foundation, the French American Heritage Foundation, which is another active group. Mm-hmm. They are especially interested in Canadian French. I think it's an upshot of the old group that used to be extremely active in here. People are more and more interested in their heritage. And they are having, on Tuesday, November 1st, it's the Feast of All Saints Day, November 1st, 1841. A small log chapel was dedicated on the bluff overlooking the Mississippi River. There were very few people from French Canada here, but there were a few French Canadian families living in the area. Little did they know that this chapel would become a cathedral, and then a school, a hospital, and would be the inspiration and beginning of the city of St. Paul. For this, there our speaker upcoming for this event will be Mary Lethert Wingard, a professor of history at St. Cloud. She's the author of North Country, The Making of Minnesota, and Claiming the City, Politics, Faith, and the Power of Place in St. Paul. That is Tuesday, November 1st, 6 to 9 p.m. at the Minnesota History Center, 345 Kellogg Boulevard in St. Paul. You can register still. It's, well, we aren't allowed to say prices here. Okay. Is that something going on here? Yeah, I think we'll have an announcement. We'll be okay, right go back. Ahead. Support for KFAI comes from the Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. Well, walk back down. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin, down. Or at efetus.com. Okay, so if you're interested in that, you can go online at www.fahf, that's the French American, let's see, French American Heritage Foundation. So it's www.fahfmin.org. That should be great coming up soon. From the Alliance, we hear just a few things here. I think there's Cine Club coming up. Is Pardon? That Cine Club? Well, I know the Jeunes mm-hmm. are having Atelier Madeleine on Saturday, November 5th from 4 to 6 at the Alliance. It's the teen club. They're preparing for winter by learning how to bake the little cakes called Madeleine. And what about the Cine? Cine Club is on October 28th from 7 to 9 p.m. They'll be screening a film called Le Bal des Actrices, and that's free. Le Bal des Actrices. Le Bal des Actrices. Then there's a workshop, A la Carte French Food Festival, taking place at the Alliance Française from 1 to 4. And that's the workshop on what you should order when you go to restaurants. Oh, yes. Right. There's topics classes too, Stromae and Beyond, exploring pop music. There's review classes in French and the grammar, intermediate and advanced review. Mm-hmm. And there's something for the children too, after school classes. The Alliance partners with a few Minneapolis public schools and offers after school French classes from October through May. They include the schools of Burroughs, Kenwood, and Hale. contact Alix, A-L-I-X, at the Alliance to get more information. Moving right along here, we're close to the end. Well, that's the main part here. Mm-hmm. Let's see. The screening for the Stromae concert. Stromae was here last fall, but he got sick, I believe, and couldn't appear. So there will be a screening at the Alliance on November 4th from 7 to 9:30 p.m. This will be an exciting filmed concert done, performed in Montreal. So contact the Alliance if you are, if they are available. Space is limited, so call them now. Big dance party. You think so? Of course. Oh, I bet you'll be there, won't you? I would try. Oh, that's the end of the announcements. Wonderful. So, qu'est-ce qu'on va écouter? Un peu de Carla Bruni. Carla Bruni avec son nouvel album. Elle va vous chanter Darling. Et si on a le temps, Liberté. Here we go. Allez. Il m'appelle la darling en buvant son long drink, tout de la blanc vêtu, pochette mauvais pieds nus. Il m'appelle la darling comme un grand frère unique, un oncle d'Amérique. Tout seul dans le living, il me disait darling, l'époque est bien cruelle, mais pour toi elle est belle, tu es faite pour le ring. Et il me disait darling, quand on a l'étincelle et des rêves à l'appel, on doit piquer son sprint. Il m'appelait darling comme un vieux lord anglais, cousin égaré entre Proust et Kipling. Il m'appelait darling tout en me souriant, et je le revois si grand, nostalgique et charming. Il me disait darling, prends garde à l'existence, tout est dans l'élégance, même au creux d'un looping. Et il me disait darling, rien ne vaut l'éphémère, rien ne vaut le mystère, dans une larme de gin. M'appelait darling, mais plus rien lui était cher, et sa solitude amère lui allait comme un smoking. Il m'appelait darling, mais quand tombait le soir, à l'heure du désespoir, il plongeait dans son spleen. Il me disait darling, certains sont trop fragiles, certains sont malhabiles, tout le monde n'a pas ton swing. Et il me disait darling, je n'ai plus de saveur, je n'ai plus rien à cœur, plus l'ombre d'un feeling. De son absence et sa montre bricling. Il m'a écrit darling, à toi mon dernier mot, ne m'en veux pas darling, je quitte le bateau. Et il m'a écrit darling, dis à ce que j'aimais que mon cœur de bastringue a fini par lâcher.